une écriture magique, inscrite dans un cœur fragile. Ma seule consolation. Ikamoli kwena moka, c'est une histoire d'amour dans le cœur de nom qui s'est inscrit à jamais en marasongi moka ema. Oh Ramos Kata, vraiment le temps ne pourra pas effacer. Les lotos suki wapio likamona lobaka okere ango mosika te. C'est toi l'internet. Charlie Maïwan à Paris. Tantine Adjafatou.